LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Je tapote le crâne, le front, les joues. Je tire la peau des joues. Je suis l'orbite de l'œil. Philosopher avec son corps. Je fais sonner les creux. Bienvenue en phénoménologie. Je stimule les bosses, les os. Épisode 4. Je fais de l'espace. L'art à bras le corps. Élise Gruau, Marie-Laure Ciboulet. Emmanuel Huyn, qu'est-ce que vous cherchez à travers cette préparation du corps? Je me prépare à être plus réceptive à ce que je vois, à ce que je peux incorporer. Je tapote les côtes. La poitrine, donc cette façon de respirer, donc d'être en liaison avec l'extérieur via l'air, qui me permet d'ingérer l'air et donc une partie d'espace, c'est le début pour faire encore plus partie de ce qu'il y a autour de moi, de le saisir. Et j'essaye d'aller atteindre le psoas. Si je fais pas cette préparation, bien sûr, j'appartiens à ce réel comme on appartient toujours, mais ça augmente, ça intensifie cette porosité, participation, les os des hanches, les ischions. Nous sommes avec Emmanuel Huyn, danseuse et chorégraphe, qui s'apprête à jouer son spectacle Mua. Les quadriceps, les fémurs, les rotules. Ils n'ont pas le même son que les tibias. J'allais oublier les oreilles. Il faut toujours tirer les oreilles. C'est ma façon d'être prête, bon, pour aller bien sûr sur un plateau, mais même d'être prête pour être là. On peut aussi faire le bruit des cheveux. Et ça me rappelle le fait que... Pour décoller la peau du crâne. Dans mes études de philosophie, bon, que j'aimais, c'était très difficile de rester longuement assise parce que les idées me meuvant ou m'émeuvant à l'intérieur... C'était pas possible de rester assis autant d'heures. Donc c'est vrai que avoir choisi de danser tout en continuant, non pas de philosophie parce que je peux pas dire ça, mais disons que c'est la façon de pouvoir agir, penser concrètement. S'échauffer devant la baie de Marseille, précisément juste avant de danser Mua, c'est comme si... Je mettais une partie de Marseille en moi. En 1945, le philosophe Maurice Merleau-Ponty publiait La phénoménologie de la perception, où dans le prolongement de Husserl et Heidegger, il cherchait à révéler la structure du phénomène de la perception, par laquelle, à travers notre corps, nous connaissons le monde. Dans sa dernière philosophie, portée par ses grands livres « Le visible et l'invisible » ainsi que « L'œil et l'esprit » publié en 1960, un an avant sa mort accidentelle, Maurice Merleau-Ponty crée une nouvelle pensée de l'être, inspirée par l'expérience de l'art. Méditant sur la peinture de Cézanne et sur l'organe de l'œil, il prolonge sa quête de l'énigme du corps. Ce corps pris dans le tissu du monde et ce monde fait de l'étoffe même de notre corps. Dans un indépassable entremêlement. Corps dansant, formant, peignant, appartenant, exprimant. Nous partons à la rencontre d'artistes d'aujourd'hui pour mieux sentir de quoi est faite cette énigme de ce corps connaissant. La philosophie m'est apparue d'emblée comme quelque chose d'extrêmement concret. Pas du tout comme construction de concepts, de systèmes. Maurice Merleau-Ponty. Mais plutôt comme... En 1959. Expression, élucidation, explicitation, comme vous voudrez dire, de ce que nous vivons tous, et de ce que nous vivons de plus concret. Je me suis rendu compte que la manière de prendre les questions, de de le genre de curiosité que représente la philosophie était une fois pour toutes ce qui m'intéressait. Par conséquent, j'avais la volonté de tirer au clair, dès ce moment-là, les relations de l'esprit et du corps, comment deux esprits peuvent-ils être incarnés dans deux corps, et comment un esprit peut-il connaître un autre esprit à travers le corps visible qui exprime ce dernier. Voilà des questions qui, dès ce moment-là, m'apparaissaient comme urgentes, spéculativement. Alors, je me suis immédiatement attaché au genre de recherche qui était axé sur ces questions-là. Il y a 72 ans exactement, Huynh Thanh Van arrivait en bateau, en paquebot, le paquebot André Le Bon, dans cette baie de Marseille. Il avait 16 ans et son père, Van Chan Huynh, lui avait proposé d'aller étudier en France. Ne t'attache pas, travaille, sinon nous t'oublierons. Étaient les mots que ce jeune Vietnamien du delta du Mekong a entendus. Le 10 mai 1950, il arrive par là avec ses valises. Moi, j'ai vu ses valises toute mon enfance dans le grenier de la maison de Châteauroux. Et pour la première fois, je danse à Marseille, dans le noir, comme pour saluer cette arrivée inaugurale. Waouh, la baie de Marseille. C'est par là qu'il est rentré en Europe après un mois en troisième place dans la cale, après des heures de nausée. Hier, j'ai fait le chemin avec mes filles pour leur montrer où leur grand-père était arrivé. Après cela, je n'avais plus rien d'autre à faire d'important à part danser ce soir. Il fait beau ce matin à Marseille, hein? Oui, le beau temps commence à s'installer. De toute façon, le mauvais temps ne dure pas longtemps ici. Ici, le soleil il est présent pratiquement 360 jours sur 365. Alors, c'est comment d'avoir toute la chaleur qui monte petit à petit dans l'année? Comment on sent dans son corps quand on travaille là à Marseille? On est habitué. Bon, ça fait du bien quand même. On voit tout le monde qui lève son visage vers le soleil hein, en ce moment. Le corps appelle la lumière, là. C'est comme les tournesols. On suit le soleil. Ici, la parole se libère des contraintes de la théorie. Cette célébration du corps, où se tient la pensée et son inévitable fulgurante désintégration, communique quelque chose de la présence de celui qui parle et de son trouble. Vous êtes né à Marseille, monsieur ? Non. Je suis marseillais d'adoption. Bon, moi, j'ai adopté de suite. Pour la mer, ça aide, non? Ah, pour moi, beaucoup. J'étais marin pendant 30 ans. Ah. Donc, la mer, c'est presque ma raison de vivre. La Méditerranée, c'est une très belle mer, mais très imprévisible. Très dangereuse. Oh oui. Elle passe de calme à très agitée en l'espace de un quart d'heure. Ah oui. Et quels sont les signes qu'on peut voir de la tempête qui est en train d'arriver en mer? La brume, le brouillard, et ça se rapproche, et la mer qui commence à fritiller, et après ça monte très vite, très vite. Des fois on n'a pas le temps de se rendre compte. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où on finit par penser avec son corps quand on est marin, l'essence toute aiguisée? Bien sûr, parce que à la longue, ben c'est le corps qui réfléchit. Notre vue, elle est là. Cette philosophie qui est à faire, c'est celle qui anime le peintre non quand il exprime des opinions sur le monde, mais à l'instant où sa vision se fait geste. Quand, dira Cézanne, il pense en peinture. Merleau-Ponty, l'œil et l'esprit. Emmanuel Huyn, nous sommes ici à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai, où vous dansez Mua, votre spectacle créé en 1995. Et Mua, c'est la danse en vietnamien. Et en français, on entend la mue. Et puis le mouvement. Oui. Alors, on peut commencer par la raison intime, personnelle. Je me demandais ce qu'il y avait eu avant moi. Je veux dire par là que notre père vietnamien était très mutique sur son enfance, son arrivée en France. Et la plupart de ses 6 enfants, on a quand même posé pas mal de questions pour savoir des choses qu'on n'a pas su. Et finalement, à l'âge de... pas très tôt, à l'âge de 32 ans, je crois. Bon, de dire, alors il faut que j'aille voir quand même par moi-même. Quel est cet endroit, donc le Vietnam, avant moi, avant mon apparition. Les Vietnamiens sont des gens qui aiment bien rire, qui aiment bien toucher, qui sont un peu moqueurs aussi. Et puis ce rythme de manger plusieurs fois par jour, des choses pas très lourdes, de dormir n'importe où. J'ai l'impression de tout ressentir physiquement, grâce à l'humidité, grâce à la température, à la chaleur. Je me suis sentie immergée, mais j'étais raccord. Et vous avez placé Mua sous le signe de Merleau-Ponty et de son livre « Le visible et l'invisible ». J'ai emmené « Le visible et l'invisible » avec d'autres livres de philo. Dans ce premier voyage, donc c'est l'été 94, et quand je vis ce que je vis, qui était vraiment sans arrêt une sorte d'unification de ma personne, j'avais quand même vraiment l'impression là que cerveau, tête et corps se reliaient par un coup nouveau. Grâce à ce voyage, grâce à ce pays, grâce à cette humidité, grâce à ce que je ressentais. Et vraiment, en ouvrant le visible et l'invisible, et particulièrement le chapitre qui s'appelle « L'entre-là, le chiasme », tout ce chapitre qui parle du regard comme un enjambement dans le réel. C'est-à-dire, par l'œil, j'appartiens au réel et le réel rentre en moi. J'ai le sentiment que ça a été le moment où j'ai pu le saisir, mais physiquement. Dans ce spectacle, il y a vraiment la notion d'apparition qui travaille. Apparition, disparition. Vous faites vivre au spectateur une expérience sensorielle très forte. On est plongé dans le noir. Et petit à petit, il se passe des choses. Cette façon d'être au noir tous et de ressentir en fait tout ce qu'il y a, mais sans voir. C'est-à-dire de sentir par les sens, de sentir par la peau, de sentir par l'ouïe, en inhibant un sens, ça permet en fait ce travail d'apparition-disparition. Ce qui se passe aussi dans le noir, c'est qu'il y a des moments, je ne sais plus si c'est allumé ou éteint. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que comme j'écarquille les yeux et que c'est tellement faible, je vois quand le 1% est arrivé et j'ai l'impression de parfaitement voir mon corps. C'est pas tout à fait exact, mais c'est pas faux, puisqu'il y a une lueur. Et vraiment, j'ai l'impression de voir dans le noir. Donc, cette mise au noir, elle permet aussi, peut-être, de revivre ou de vivre à nouveau ce que c'est que voir. Bon, c'était vraiment le projet, mais j'ai l'impression de le réhabiter à chaque fois. Le visible autour de nous semble reposer en lui-même. C'est comme si notre vision se formait en son cœur, et comme s'il y avait de lui, à nous, une accointance aussi étroite que celle de la mer et de la plage. Et pourtant, il n'est pas possible que nous nous fondions en lui, ni qu'il passe en nous. Car alors la vision s'évanouirait au moment de se faire par disparition, ou du voyant, ou du visible. Ce qu'il y a donc, ce ne sont pas des choses identiques à elles-mêmes qui, par après, s'offriraient au voyant. Et ce n'est pas un voyant vide d'abord qui après s'ouvrirait à elle-même, mais quelque chose dont nous ne saurions être plus près qu'en le palpant du regard, des choses que nous ne saurions rêver de voir toutes nues, parce que le regard même les enveloppe, les habille de sa chair. Merleau-Ponty. À partir de quand mon œil discerne quelque chose? Qu'est-ce qu'on discerne? À partir de quand c'est un corps et à partir de quand c'est un corps peut-être dansant? J'ai vraiment posé à chacun et à moi-même, qu'est-ce qu'il y a avant qu'il y ait quelque chose, qui est une question vraiment philosophique. Et je me la suis posée à moi-même, qui aimait tant bouger, qui aimait tant être technique, qui aime toujours d'ailleurs, pour que l'œil du spectateur se nettoie ou pour se régénérer, pour savoir ce qu'on regardait, pour ralentir, pour nettoyer. Il fallait cette sorte de tabula rasa d'un moment. Et c'est cette notion d'apparition qui travaille tout le temps dans Mua pour le spectateur. Bah, apparition, c'est le phénomène. C'est vraiment la base de ce mot de phénoménologie. Mmh. Le phénomène, ce qui apparaît. Là, on est vraiment au cœur de l'expérience. Il suffisait de s'intéresser à ça pour le découvrir. Et donc, c'était là. Encore une fois, on a pris beaucoup de précautions. On a cherché comment faire apparaître. Comment faire croire que mon corps produit sa propre lumière. Donc, être à un régime ultra bas pour que chacun puisse vivre cette expérience de « Ah, quelque chose peut-être apparaît, mais parce que la réalité, il suffisait de la regarder, elle est philosophique, la réalité. C'est-à-dire le phénomène, il est là avant qu'on se dise qu'il est là. Oui, il s'est agi de recueillir ce qui est là ou de le mettre en forme pour qu'on puisse en avoir tous l'expérience. Ce qu'on fait travailler, c'est la perception de chacun, c'est-à-dire c'est l'œil. À la lisière du visible et de l'invisible, il y a un ray de lumière. Alors, je suis au Centre Pompidou, à Beaubourg, et j'ai en main mon petit livre de Merleau-Ponty, ce petit livre magnifique, là, L'œil et l'esprit, tout fin, ce petit livre de poche avec le pôle clé en couverture. Et alors, moi, j'ai en tête quelques textes. Un corps humain est là, quand entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre un œil et l'autre, entre la main et la main, se fait une sorte de recroisement, quand s'allume l'étincelle du sentant sensible, quand prend ce feu qui ne cessera pas de brûler, jusqu'à ce que tel accident du corps défasse ce que nul accident n'aurait suffi à faire. Bruce Bégout, L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, est-ce que vous pouvez nous décrire le propos de ce livre ? C'est un petit essai qui, à partir de la peinture de Cézanne, essaie de décrire les rapports entre, au fond, l'expérience visuelle et l'expérience de la théorie, hein, de comment on dit et comment on analyse ce que l'on voit. Et donc, c'est un texte qui zigzague un peu comme ça entre des références philosophiques, d'autres références liées à l'optique ou même des références artistiques, notamment la peinture de Cézanne, et qui essaie de montrer, au fond, que nous sommes avant tout des corps incarnés dans le monde et que même notre manière de penser, de l'esprit, est quand même liée d'abord à notre manière de sentir, hein, l'œil. Donc la perception est déjà au fond une pensée. Et donc il ne s'agit pas de penser en dehors de ce que l'on perçoit, mais de penser à partir de ce que l'on perçoit. Il suffit que je voie quelque chose pour savoir la rejoindre et l'atteindre, même si je ne sais pas comment cela se fait dans la machine nerveuse. Mon corps mobile compte au monde visible, en fait partie. Et c'est pourquoi je peux le diriger dans le visible. Par ailleurs, il est vrai aussi que la vision est suspendue au mouvement. On ne voit que ce qu'on regarde. Que serait la vision sans aucun mouvement des yeux? Et comment leur mouvement ne brouillerait-il pas les choses s'il était lui-même réflexe ou aveugle? S'il n'avait pas ses antennes, sa clairvoyance? Si la vision ne se précédait en lui? On va aller rencontrer Julien Prévieux pour essayer de percer un peu le mystère du visible. Le visible et l'invisible, ce thème qu'a tellement travaillé Merleau-Ponty. Bonjour monsieur. Moi je suis Julien Prévieux, je suis un des artistes de l'exposition. Julien. Tous mes déplacements par principe figurent dans un coin de mon paysage, sont reportés sur la carte du visible. Tout ce que je vois par principe est à ma portée, au moins à la portée de mon regard, relevé sur la carte du « je peux ». Chacune des deux cartes est complète. Le monde visible et celui de mes projets monteurs sont des parties totales du même être. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va, vous ? Oui, ça va bien. Ça, c'est Merleau-Ponty dans L'œil et l'esprit. Ça va? Ouais, très bien. C'est vrai? Ça avance bien? J'en suis à un peu plus de la moitié. Ouais. Tu vois. Ouais, quand même. Hein. Ouais. 2 minutes 30, tu vois. On touche au moins de la fin. Ouais. Ouais. Non, bah ça prend bonne forme. Mais ça prend bonne c'est forme. C'est bien. Ah, ouais. On peut mettre juste un petit coup de cache. Ouais. Pour voir un peu l'ensemble de loin ce que ça donne. Julien Prévieux, quand on voit votre œuvre qui est en train d'être montée à Beaubourg, là, ce diagramme du regard, ça me fait vraiment penser à cette quête qu'avait le philosophe Merleau-Ponty, qui s'interrogeait sur le visible, l'invisible, qu'est-ce que la vision ? C'est une référence qui a été présente dans votre travail ? Moi, je constitue une collection depuis un petit moment de regards. J'ai appelé cette pièce, cet ensemble d'œuvres, une anthologie des regards. Donc, ce serait une manière d'archiver vraiment avec beaucoup de guillemets, les meilleurs regards possibles. Voilà. Donc un jeu comme ça sur quelque chose qui est à la fois très fragile, qui passe vite, qui manquait pas, je dirais, habituellement fait pour être mémorisé. Et je me demandais, est-ce que je mets quand même un point, tu vois, quand c'est comme ça, j'ai peur que si je mette un point de colle, ça se voit par-dessus. Tu vois, un tout petit point, ça peut fonctionner. Alors pour la réalisation du diagramme, c'est bien d'avoir ce relief. Donc Pierre, qui est monteur au Centre Pompidou, qui travaille à la régie et qui installe les expositions, il m'accompagne là pour la réalisation de ce grand dessin qui mesure à peu près 4 mètres de large par 3 mètres de haut environ. On s'aide d'une vidéoprojection pour reporter au mur un enregistrement qui est un enregistrement de regard qui a été réalisé précédemment et qui va être transféré au mur avec une technique un peu particulière que j'ai élaboré avec le temps, qui consiste à accrocher le regard, donc qui est une sorte de, on pourrait dire, de grande toile d'araignée, faite de points de fixation et de zigzags, de le transférer avec un fil de laine et des points de colle. Un petit peu bougé, on dirait, par contre. Le... Alors, à quel endroit? Ah ouais, alors... Et petit à petit, on a ce report un peu comme un tissage. Ok, ok. Donc là, il est légèrement décalé. Une sorte de tissage de regard. Ok, voilà, on peut ça, le corriger ça. Comme ça. Avec la difficulté de ce regard qui semble être complètement immatériel. Là, ça me semble bien. Ça me semble bien. Et puis qui, là, d'un coup, prend une sorte de... une mayonnaise. Il est saisi, quoi. Voilà. Il est saisi et il prend une forme physique. Le regard devient visible. Le regard devient visible et... nous, en tant que spectateurs, on est aussi témoin d'un autre regard. Donc on est pris dans une sorte de mise en abîme ou d'effet de poupée russe. On est en train de regarder le regard d'un regardeur. Que peut-on bien en penser ? Alors j'utilise une technique qui est une technique qui date. Alors bon, c'est fin 19e, début 20e. On commence à s'intéresser effectivement à cette comment ça marche le regard en fait. Et c'est vrai que étonnamment, on est assez peu conscient, on s'en rend peu compte que le regard est fait de ces points de fixation, donc ces endroits où l'œil va rester, mais en même temps vibrer. Le regard ne fonctionne que par effet de contraste. Enfin la vision. Donc pour voir quelque chose, il faut que ça bouge, quoi. Et il faut que l'œil aussi soit en mouvement. Donc on a, même dans ces moments de stabilité, où on a l'impression de fixer le regard de quelqu'un, des micro-mouvements de l'œil. Il y a des moments où je suis un peu perdu là-dedans. Quand je suis en plein milieu, des fois... Tu veux que je revienne en arrière ? Non, parce que là, ça va. Ouais. Je pense que je repars par là et je remonte. Alors, il y a différents niveaux. Donc, le premier, c'est effectivement celui d'une découverte ou d'une redécouverte, peut-être, voilà, de comment ça fonctionne. Il n'y a pas de courbe. L'œil, effectivement, s'agrippe, s'attache à certaines zones, puis passe de zone en zone. Il y a une évolution du regard dans le temps aussi. Alors, quand on regarde un tableau ou une image, les premières millisecondes sont attirées par des jeux de contraste. Un point rouge sur un fond sombre ou un point blanc va attirer le regard, voilà, automatiquement. Et puis ensuite, le regard est comme renseigné par l'expérience personnelle, par le savoir. Quand on regarde un tableau, par exemple, c'est voilà, peut-être des connaissances en histoire de l'art qui vont petit à petit orienter la zone où on regarde. Et puis alors tout ça, ce qui m'intéressait aussi, c'était de le laisser de côté quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en donnant une matérialité, de transformer ses regards en laine, ça devient une sorte de tissage et un objet qui aurait une qualité graphique propre. Donc une qualité physique et une qualité graphique à réexpérimenter. Donc le processus, je dirais, de mesure, de quantification, qui serait plutôt, on pourrait dire, un processus quasi de mesure statistique. L'idée, c'est de le faire dévier aussi et de l'emmener vers une zone poétique, esthétique, qui produit une autre expérience. Le point, on peut lâcher depuis... Non, ça va ? Ouais, ouais, pour l'instant. Et je me demandais, avec le temps, est-ce que ça n'aurait pas tendance à s'abolir ? la laine. Non, par contre, il y a des points de colle qui peuvent lâcher. Les angles, ça va aussi à peu près. Hein. Ouais, alors c'est pas partout. Pas partout, ouais. Ça, il y a des angles plus mous que d'autres. Ouais. Et dans votre travail de plasticien et aussi de performeur, le corps est très présent chez vous, Julien Prévieux. Comment ça vous inspire? Qu'est-ce que vous recevez de l'expérience corporelle? J'avais commencé ma pratique artistique avec un certain nombre de performances très physiques. En refaisant à l'âge adulte des gestes qu'on aurait pu faire enfant, je faisais des roulades, comme on peut le faire dans un champ, mais des roulades qui durent trop longtemps, des roulades qui vont dans la ville, des roulades qui envahissent comme ça un parking ou un centre commercial. Donc ce geste-là, qui est à l'origine effectivement un geste plutôt enfantin et drôle, reste enfantin et drôle, mais en même temps vient parasiter le quotidien d'une bizarrerie. Je ne sais pas si c'est tout à fait surréaliste, mais en tout cas, c'est un drôle de parasitage comique, quoi. Je m'étais aussi projeté contre des objets. Donc ça, c'est une vidéo qui s'appelle Crash Test Mode d'Emploi, dans laquelle je rentre dans tout ce qui m'entoure. Donc le rapport au corps, il passerait là par le jeu et aussi par une espèce de confrontation directe où, par le biais de la pratique artistique, je montrais plutôt des comportements de quelqu'un qui n'aurait pas compris comment ça fonctionne. Comment le monde autour de nous, quelle est même sa physique quelque part, quoi. Qu'un mur nous arrête, semblait pas être une raison bien suffisante, quoi. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Par le corps, je me confrontais au mur pour voir si vraiment il y avait résistance, comme si vous interrogiez le réel, les lois de la physique à travers votre corps. Et qu'est-ce que vous éprouviez au cours de ces expériences? La première chose, c'était une sorte de jouissance adolescente, de rentrer dans l'art du réel. Ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est aussi de mettre en scène une sorte de difficulté d'adaptation qui a aussi à voir avec ce moment de post-adolescence, de jouer avec la difficulté d'accepter les règles, en fait. À quel point j'essaie de m'adapter. Donc le jeu était là plutôt tout inverse, c'est-à-dire de se dire... que par le biais du corps, je peux aussi révéler, comme voilà, c'est comme une sorte de brèche évidente, quoi, mais en même temps, qui, comme pour le diagramme du regard enregistré, là, on se retrouve à réinterroger une évidence, quoi, à la faire réémerger comme une bizarrerie. Donc ça, ça a été un ressort artistique pendant plusieurs années, ça l'est encore. L'énigme tient en ceci que mon corps est à la fois voyant et visible. Lui qui regarde toutes choses, il peut aussi se regarder et reconnaître dans ce qu'il voit, alors, l'autre côté de sa puissance voyante. Il se voit voyant, il se touche touchant, il est visible et sensible pour soi-même. Il est visible et sensible pour soi-même. C'est un soi, non par transparence comme la pensée, qui ne pense quoi que ce soit qu'en l'assimilant, en le constituant, en le transformant en pensée, mais un soi par confusion, narcissisme, inhérence de celui qui voit à ce qu'il voit, de celui qui touche à ce qu'il touche, du sentant au senti. Un soi donc qui est pris entre des choses, qui a une face et un dos, un passé et un avenir. Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses. Il est l'une d'elles. Il est pris dans le tissu du monde, et sa cohésion est celle d'une chose. Mais, puisqu'il voit et se meut, il tient les choses en cercle autour de soi. Elles sont une annexe ou un prolongement de lui-même. Elles sont incrustées dans sa chair. Elles font partie de sa définition pleine. Et le monde est fait de l'étoffe même du corps. Merleau-Ponty. Jérôme Bell, vous êtes chorégraphe et danseur. Dans votre spectacle L'autobiochorégraphie, vous revenez sur l'origine de la danse. Comment vous vous êtes mis en mouvement? Du plus loin qu'il m'en souvienne, c'était la pratique du patinage artistique, où je me rappelle l'éprouver un certain plaisir, en fait, à glisser, qui est assez agréable comme sensation, et à étirer mon corps à partir de ses patins dans différentes positions, comme une sorte d'expérience nouvelle, je crois. Et aussi, il faut dire qu'il y avait de la musique comme dans toutes les patinoires. Et je pense que c'est là d'où est née une sorte de reconnaissance du plaisir de la danse. D'une manière générale, on voit ça auprès des jeunes enfants. Il suffit de mettre de la musique et ils vont naturellement, entre guillemets, se mettre à tourner sur eux-mêmes et éprouver la sensation de tournis que ça engendre. Ils vont en jouir et aussi le saut. Cette espèce de micro-sensation qu'on a quand on s'élève et quand on retombe, qui est, à mon avis, à l'origine du plaisir de la danse, du plaisir de la danse en tant qu'exécutant, en tant que danseur ou danseuse, et ensuite du plaisir de le regarder, hein, en tant que spectateur ou spectatrice. Ouais, ça, je dois dire que quand même la danse m'a permis d'arriver à un endroit de liberté, en tout cas de m'approcher de moi-même, mais oui, c'est ça. Une expérience existentielle. Ah oui, oui, oui, absolument. Le paradigme dans lequel moi j'ai été éduqué, dans lequel j'ai travaillé au milieu des années 80, c'était la sensation. Tout reposait sur une sorte d'authenticité totalement idéalisée, parce qu'à mon avis, elle l'est pas. Et à l'inverse, ce qui me manquait, moi, c'était qu'il n'y avait pas de... une vision un peu extérieure à l'expérience de la danse, réflexive et discursive sur la danse. Tout d'un coup, j'ai pu verbaliser, conceptualiser plein de choses sur la danse. Beaucoup de danseurs disaient « mais moi, je ne peux pas parler de la danse, je la danse, mais je ne peux pas parler ». Ben, ça va pas ou quoi ? Il faut en parler, enfin, il faut faire les deux pour se rendre compte de notre propre réalité. Vous avez raconté comment vous avez lu Roland Barthes, le degré zéro de l'écriture, ouais. Et que vous avez cherché le degré zéro de la danse. Quand j'ai lu le degré zéro de l'écriture, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, voilà une voie pour moi, enfin exactement ça, une espèce de translation de la littérature à la danse, et c'était le degré zéro de la danse. J'ai essayé de la réduire à tout ce que je pouvais, à son ontologie, à vraiment réfléchir, mais... d'où elle vient, quoi. Et souvent, je voyais chez mes collègues, ils appliquaient les règles qu'ils avaient apprises, que tout le monde respectait. Il faut improviser, avoir des costumes, mettre de la musique et mettre une scénographie, par exemple. Ça, c'était la règle de base. Et moi, je me disais, mais non, ça, c'est des choses. Mais c'est des choses qu'on a apprises. Il faut qu'on a même naturalisé et qu'il faut questionner. Donc, je balaye ça d'un grand geste de tabula rasa. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec la nudité, en disant, bon, pas de costume, rien. Commençons par rien. Commençons au début. J'en suis arrivé au corps. Avant la danse, il faut un corps. Et j'ai fait un spectacle basé sur qu'est-ce que c'était, des expérimentations simplement du corps et pas de la danse. Dans ce spectacle, c'était deux interprètes nus sur scène qui ne bougeaient pas, mais qui se laissaient seulement agir par leurs fonctions physiologiques. Hein. Oui, il y avait quelque chose comme ça. J'avais cherché le mouvement qui se trouvait à l'intérieur de leur corps. Donc par exemple, le battement du cœur. Je me dis, mais il y a un mouvement comme ça là. Le mouvement de la respiration. Il n'y a pas besoin de danser, il est là. Et ça a donné un spectacle très très provocant. Énormément de malentendus sur la pièce. Et une grande violence est sortie des spectateurs. Moi, je croyais que je cherchais le degré zéro. Mais de manière intellectuelle, là encore. De manière scientifique. En fait... des années après, j'ai compris qu'il y avait une autre raison à cette danse qui ne se faisait pas. C'était un énorme chagrin, en fait. Les spectateurs avaient senti ce que moi, je ne savais pas, parce que je l'avais refoulé, c'était la tragédie du sida. Je ne pouvais plus danser. Ce corps, il était lié au sida, en fait, à la mort d'amis du sida. On ne pouvait plus sauter dans tous les sens, quoi. Bruce Bégout, pourquoi cette importance du charnel et du corps dans la phénoménologie pour penser ? Parce que comme elle veut repartir de l'expérience telle qu'elle est, bien évidemment, il est difficile de se passer de cette condition fondamentale qui est la corporéité. Donc il y a eu, avant la phénoménologie, bien sûr, certains philosophes ont mis en avant la dimension corporelle. Nietzsche, par exemple, Feuerbach ou même Novalis. Philosophes avec le corps et pas contre le corps. Mais sans doute, la phénoménologie a fait de la dimension corporelle une dimension fondamentale. Et d'ailleurs, pas forcément dans la première génération. Même s'il y aurait cette dimension-là chez Husserl et un petit peu chez Heidegger, mais c'est surtout la deuxième génération, celle de Merleau-Ponty, de Sartre, de Finck en Allemagne, de Landgrebe, etc., où on voit vraiment la dimension corporelle qui occupe presque le champ quasi unique de la réflexion philosophique et phénoménologique. Le peintre apporte son corps, dit Valérie. Et en effet, on ne voit pas comment un esprit pourrait peindre. C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. Pour comprendre ces transsubstantiations, il faut retrouver le corps opérant et actuel, celui qui n'est pas un morceau d'espace, un faisceau de fonctions, qui est un entrelacs de vision et de mouvement. Cézanne disait qu'on doit pouvoir peindre l'odeur des arbres. Dans le même sens, Sartre écrit dans L'être et le néant que chaque qualité est révélatrice de l'être de l'objet. Merleau-Ponty, Causerie. Le jaune du citron, en 1948, est étendu tout à travers ses qualités. Et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres. C'est l'acidité du citron qui est jaune. C'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur d'un gâteau et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. La fluidité, la tiédeur, la couleur bleuâtre, la mobilité onduleuse de l'eau d'une piscine sont données d'un coup au travers les unes des autres. L'homme est investi dans les choses et les choses sont investies en lui. Pour parler comme le psychanalyste, les choses sont des complexes. C'est ce que voulait dire Cézanne quand il parlait d'un certain halo des choses qu'il s'agit de rendre par la peinture. La peinture a été très importante pour Merleau-Ponty pour penser la vision, la personne qui regarde, l'objet regardé. La vision devient une métaphore complète qui poursuit toute la philosophie, mais chez lui c'est très important. Oui, et notamment la vision et en particulier la peinture, et en particulier celle de Cézanne. Mais il y a d'autres registres chez lui, il y a aussi le toucher qui est important, l'olfaction. Dans ces différentes couches de tissu, si je les déplie, il va y avoir beaucoup de choses. Je vais aller chercher chez la plasticienne Mimosa Echard cette chair du monde que le peintre rend visible. Je vais faire imprimer ça sur une sorte de satin synthétique. Une sorte de paradoxe dans la vision, c'est qu'à la fois la chose est donnée, elle est donnée à distance. Et donc la vision pourrait déjà induire une forme d'intellectualisation dans notre rapport au monde. Ça, c'est des ovules de Ginkgo. Je crois que Merleau-Ponty, ce qu'il a cherché dans la vision, justement, c'est l'envers de cette intellectualisation. C'est la proximité charnelle du vu dans le voyant, dans ce que l'on voit. Donc, au fond, il a un peu contredit la tradition classique de la philosophie qui a toujours fait de la vision une métaphore de l'intellect. Alors, celui, ce qu'il a été cherché dans la vision, c'est plutôt cette densité charnelle, corporelle, du vu, cet entrelacs au fond du voyant et du vu. Ça, c'est une ovule de cica. Moi, je m'étais beaucoup intéressée à la sexualité des plantes et ces deux plantes-là. Et même cette réversibilité, c'est-à-dire de voir ce que l'on voit comme s'il nous regardait nous-mêmes. Et il le dit à partir de certains tableaux de Cézanne, au fond, on a l'impression que ce sont les tableaux qui nous regardent et non pas nous qui les regardons. Oui, ça, c'est des champignons qui transpirent. Ça s'appelle la gutation. C'est un peu comme ça, des sortes de sécrétions qui sortent de champignons. Ça, par exemple, c'est un arbre qui fait du latex rouge, comme du sang. Donc, c'était un peu, en fait, des liens comme ça entre le corps humain et le corps végétal. Ça, c'est une amie. Dans ses œuvres exposées dans de nombreuses galeries et musées, se mêlent les matières organiques et les produits manufacturés. Exactement cette image, mais je la trouve très belle. Donc, on voit touchante. Une paupière fermée. Une paupière fermée. Et puis ensuite, il a été passé dans la javel et il a perdu un peu ses couleurs. Donc il y a eu une sorte de modification. Les couches de temps et de matière intérieures et extérieures s'entremêlent et brouillent les frontières. Ça va par exemple aller sous un autre tissu. Puis ensuite, il va y avoir des matériaux, ensuite, il va y avoir différents liquides. Et du coup, il y a toujours un peu des apparitions et disparitions des images. Merleau-Ponty, page 23, L'œil et l'esprit. Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde. Car je ne le regarde pas comme on regarde une chose. Je ne le fixe pas en son lieu. Mon regard erre en lui comme dans les limbes de l'être. Je vois selon ou avec lui plutôt que je ne le vois. Mlle Aïchard, on est ici dans votre atelier à Nogent-sur-Marne. Dans ce que vous racontez, vous laissez venir à vous les choses. Vous manipulez des matières et après elles vous manipulent aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'essaie d'accueillir des processus et je cherche aussi à ce qu'il y ait quelque chose d'incontrôlable. J'essaye un peu de créer ce moment où finalement, oui, je perds le contrôle et l'autorité sur le travail lui-même. Je rêve souvent de sortes d'imprégnations comme ça, des couches les unes sur les autres. C'est-à-dire que le travail, les processus rentrent aussi à l'intérieur de mon corps. Enfin, il y a une espèce un peu d'aller-retour et d'interpénétration entre les deux. Voilà, j'essaye de mettre une sorte de laque que j'utilise sur des noyaux de cerise dans un bac. J'avais imprimé au préalable des images de mes petites sœurs qui parlent sur Instagram de leur processus corporel, quand elles sont malades, de ce qu'elles rêvent. Il y a une de mes petites sœurs qui est dans un texte qui va peut-être apparaître, je sais pas en fait, parce qu'effectivement j'ai mis ensuite des couches de liquide qui font que tout est un peu immergé en ce moment. En tout cas, j'essaye de mouiller un peu les noyaux de cerise. Et un peu quelque chose qui va se passer avec le temps. Moi, je suis un peu comme si je fertilisais des noyaux à l'aide de semences synthétiques. Ça, j'aime bien ça. Les sortes d'auréoles roses. Je serais contente s'il se passait quelque chose comme ça. Même en devenant plus sec, qu'il continue à avoir comme ça une sorte de contour. À quel moment vous commencez à voir l'œuvre ? Moi, j'ai besoin qu'il y ait une perte de la vision, justement. Je sais pas vraiment à quel moment je les vois. Parce que, par exemple, quand elles sont exposées, j'aime pas trop les regarder. Donc, peut-être que je les vois jamais, en réalité. Peut-être que je les vois pas, ouais. J'attends aussi peut-être que ce soit les autres qui les regardent. C'est toujours beaucoup de doutes. Il n'y a jamais un moment où je me dis « Ouais, c'est ça, ça marche. Il y a un truc qui se passe. » Je peux me dire ça quand justement il y a quelque chose que je comprends pas. Du coup, ça m'intéresse de mettre cette pièce dans le monde parce qu'il y a un truc que je comprends pas et que peut-être il va se passer quelque chose. Voilà. C'est un peu comme avancer dans le noir. Enfin, voilà. Donc, l'idée justement de la vision, elle est intéressante, ou de la perception. J'ai toujours un peu cette obsession de imaginer regarder à l'intérieur de mes yeux ou à l'intérieur de mon corps. Ou qu'est-ce que c'est le corps ? Et peut-être que le travail est un peu une hypothèse de faire de l'art et des pièces. Peut-être explorer un peu ça. Tout en avançant dans le noir, enfin, un peu une sorte de contradiction. De faire apparaître des choses, mais de, en même temps, être de plus en plus dans le doute, voilà. Bombay, il y a un spectacle « The Show Must Go On » où vous convoquez sur scène des danseurs, des interprètes. Et puis, il y a des musiques assez connues qui arrivent, des chansons. Les interprètes font semblant de chanter. Leur bouche, leur visage miment les paroles. Ils sont comme d'une seule voix. C'est un corps collectif uniformisé. Oui, dans The Show Must Go On, l'importance, c'est la question du groupe, de qu'est-ce que c'est qu'une communauté en tension avec chaque individu. Comment on peut être en commun sans perdre sa propre individualité. C'est pour ça que j'utilise des chansons pop très connues qui sont justement le commun et en même temps, chaque individu est absolument singulier. Et doit le rester dans le spectacle. Et ça, c'est mon travail d'organiser les actions pour que chacun puisse être absolument unique, comme chacun de nous l'est. Or, il y a une grande tradition de la danse, de l'aliénation du corps qui vient du ballet classique, avec cette histoire du corps de ballet où les danseuses, par exemple dans le Lac des Cygnes, doivent être toutes les mêmes. Ça c'est insupportable politiquement. Bonsoir. Je m'appelle Véronique Doineau. Je suis mariée. Et j'ai deux enfants de 6 et 12 ans. J'ai 42 ans et je suis à la retraite dans 8 jours. Ça a donné lieu à une œuvre chez vous. Ce soir. Avec une des danseuses de l'Opéra de Paris. C'est donc mon dernier spectacle. Sur le Lac des Cygnes. À l'Opéra de Paris. J'ai été invité par la directrice de l'Opéra de Paris à venir à ce qu'on appelle faire une pièce pour le ballet de l'Opéra. Et j'ai traîné dans les couloirs, j'ai vu beaucoup de spectacles. Et pourtant, je ne comprenais rien à ce qu'il faisait. Et donc, j'avais un livre qui m'avait beaucoup plu, c'était « Triste Tropique » de Claude Lévi-Strauss, où il raconte son expérience d'ethnologue au milieu des Indiens Bororo en Amazonie dans les années 30. Et tout d'un coup, je me suis dit « Ah, mais c'est la même chose. Voilà, je suis pareil, je suis dans une tribu inconnue. » Et ça m'a donné les outils de la pièce à faire, c'est-à-dire qu'il fallait que j'enquête et que j'étudie, tel un ethnologue, un des spécimens de cette tribu, qui a été donc Véronique Doineau. Elle raconte certains éléments clés, comme par exemple la difficulté qu'elle éprouve à danser dans le corps de ballet, c'est-à-dire de danser exactement comme les 31 autres danseuses, parce qu'elles sont 32 à ce moment-là dans le Lac des Cygnes. Une des plus belles choses du ballet classique. Et elle dit, on est un décor humain. C'est le passage. Bon, alors, tout est dit, un décor humain, ça fait plaisir à personne. Où les 32 danseuses du corps de ballet. Et ensuite, elle le montre. Dansent ensemble. Elle montre toute seule cette partie. Mais dans cette partie. Qui dure 10 minutes, où elle est énormément immobile. Il y a de longs moments immobiles. Puisqu'elle est immobile, pour mettre en valeur les étoiles qui, tout d'un coup, nous dansent. Nous devenons un décor humain. Eux, ils dansent, ils s'aiment. Par contre, les 32 derrière, il ne faut plus qu'on les voit. Afin de mettre en valeur les étoiles. Donc, si on ne veut plus les voir, il faut être immobile. Et donc, il y a quand même une chose un peu compliquée pour des danseurs. Et tout le monde sait que la chose la plus difficile pour un être humain, c'est l'immobilité. On n'est jamais immobile. Moi, par exemple. Et ça, c'est... Le Lac des Cygnes, c'est fait pour un tsar en Russie. Ou de quitter la scène. Par Marius Petipa avant la Révolution en Russie. Donc, c'est la représentation du prince et de la princesse et des manants autour, disons. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est une représentation de l'organisation sociale. Et donc, ça, évidemment, c'était... De ma part, une critique, puisqu'on doit représenter, à mon avis, des trajectoires ou des perspectives émancipatrices et pas aliénantes. L'humanité n'est pas une somme d'individus, une communauté de penseurs dont chacun, dans sa solitude, soit assuré d'avance de s'entendre avec les autres parce qu'ils participeraient tous de la même essence pensante. Merleau-Ponty. En 1948. Elle n'est pas davantage, bien entendu, un grand être où la pluralité des individus serait fondue et destinée à se résorber. Elle est par principe en porte-à-faux. Chacun ne peut croire qu'à ce qu'il reconnaît pour vrai intérieurement. Et en même temps, chacun ne pense et ne se décide que déjà pris dans des rapports avec autrui qui l'orientent de préférence vers telle espèce d'opinion. Chacun est seul et personne ne peut se passer des autres, non seulement pour son utilité qui n'est pas ici en cause, mais pour son bonheur. Il n'y a pas de vie à plusieurs qui nous délivre de la charge de nous-mêmes et nous dispense d'avoir un avis. Et il n'y a pas de vie intérieure qui ne soit comme un premier essai de nos relations avec autrui. Dans cette situation ambiguë, où nous sommes jetés parce que nous avons un corps et une histoire personnelle et collective, nous ne pouvons trouver de repos absolu. Il nous faut sans cesse travailler à réduire nos divergences, à expliquer nos paroles mal comprises, à manifester ce qui de nous est caché, à percevoir autrui. La raison et l'accord des esprits ne sont pas derrière nous, ils sont présomptivement devant nous, et nous sommes aussi incapables d'y renoncer que de les posséder jamais à titre définitif. Dans votre trajectoire de création de scénographie, Jérôme Bell, ces toutes dernières années, le plateau est de nouveau envahi par le mouvement, la danse, la multiplicité. Oui, absolument. J'ai été invité à travailler avec un groupe d'acteurs en situation de handicap mental basé à Zurich, des acteurs professionnels. Et donc je suis allé à Zurich et j'ai vu une potentialité encore d'expérience du corps, mais qui était pratiquement à l'inverse de ce que moi j'avais produit jusqu'à maintenant. Quelque chose de très tenu. Là, au contraire, ces acteurs et actrices en situation de handicap, principalement des trisomiques, avaient un rapport à la scène et au corps, à la danse, plutôt exultant. Et a priori, moi, c'était pas mon goût. Et là, j'étais émerveillé par la potentialité de danse, c'est-à-dire extrêmement désordonné, extrêmement improvisé, extrêmement dans le présent. Ça a été un spectacle très très important pour moi. Sans doute un des plus importants. Moi-même, ils ont changé ma vie, je crois. Mon rapport à l'émotionnel, par exemple. Puisque eux, ils sont très très émotifs. Et pendant les répétitions, ils peuvent se mettre à pleurer, ils peuvent quitter la salle. Et au début, évidemment, c'était tout à fait contraire au principe du travail. Et en fait, j'ai éprouvé ça, le chaos qu'ils ont fait régner comme finalement libérateur. D'une certaine manière, leur attitude était donner une critique de ma propre construction, de ce que j'avais mis en place depuis, je crois que ça faisait 15 ans que je travaillais. Et donc j'étais très déstabilisé, et cependant, et c'est toujours ce à quoi je crois, ce qu'il faisait sur scène était quelque chose de prodigieux, enfin, il y avait quelque chose d'inouï, il y avait quelque chose que j'avais jamais vu. Si moi je l'avais jamais vu, j'estimais que le public non plus ne l'avait pas vu, et donc il fallait leur laisser la scène, disons qu'ils allaient produire une expérience de théâtre. Chacun faisait ce qu'il voulait, et ils avaient raison. Et donc, moi, j'ai commencé aussi à penser comme eux et à laisser beaucoup plus mes émotions venir. C'était un moment assez génial. Ils m'ont ouvert à des choses que je retenais, que je croyais pas juste de ressentir ou de partager. Or, ces émotions, elles s'extériorisent par le corps, tout simplement pleurer ou des choses comme ça. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non non non non non, nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées. danser, enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Merci à Emmanuel Vigne, Bruce Bégou, Julien Prévieux, Mimosa Echard et Jérôme Bell. Merci aussi à Casper Teplitz et Yves Gaudin, à la Friche de la Belle de Mai à Marseille pour le spectacle Muad d'Emmanuel Vigne, au Centre Pompidou de Paris pour l'exposition Réseau Monde avec Julien Prévieux, au Palais de Tokyo pour les œuvres de Mimosa Echard, à Rebecca Lasselin et aux interprètes des spectacles de Jérôme Bell, à Alain Bonfant et Jean-Baptiste de Beauvais de l'École des Beaux-Arts de Paris. Extrait des spectacles Véronique Doineau et Disable Theatre de Jérôme Bell. Lecture Nathalie Canouy, Olivier Martineau. Prise de son Marc Garvenès, Yann Fressy, Yvan Charby, Martin Troadec et Philippe Mercher. Mixage, Manuel Couturier. Documentation, Annelise Signoret. Archive INA, Inès Barja. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. C'était Philosopher avec son corps, bienvenue en phénoménologie. Épisode 4, l'art à bras le corps. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.